Juges chapitre 21. Or ceux d'Israël avaient juré en Mitzpa, en disant, « Nul de nous ne donnera sa fille pour femme aux Benjamites. » Puis le peuple vint à la maison du Dieu fort, et ils demeurèrent là jusqu'au soir en la présence de Dieu, et ils élevèrent leur voix, et pleurèrent amèrement, et dirent, « Ô Éternel, Dieu d'Israël, pourquoi ceci est-il arrivé en Israël, qu'une tribu d'Israël ait été aujourd'hui retranchée ?» Et le lendemain le peuple se leva de bon matin, et bâtit là un autel, et ils offrirent des holocaustes, et des sacrifices de prospérité. Alors les enfants d'Israël dirent, « Qui est celui d'entre toutes les tribus d'Israël, qui n'est point monté à l'assemblée vers l'Éternel ?» Car on avait fait un grand serment contre tout homme, qui ne monterait point vers l'Éternel à Mitzpa, en disant, « Un tel sera puni de mort. » Car les enfants d'Israël se repentaient de ce qui était arrivé à Benjamin leur frère, et disaient aujourd'hui une tribu, a été retranchée d'Israël. Comment ferons-nous pour donner des femmes à ceux qui sont demeurés de reste, puisque nous avons juré par l'Éternel que nous ne leur donnerions point de nos filles pour femmes? Ils dirent donc, y a-t-il quelqu'un d'entre les tribus d'Israël, qui ne soit point monté vers l'Éternel à Mitzpa? Or voici, aucun homme de Jabès de Galaad n'était venu au camp, à l'assemblée. Car quand on fit le dénombrement du peuple, voici, il ne s'était trouvé aucun des habitants de Jabès de Galaad. C'est pourquoi l'assemblée envoya 12 000 hommes des plus vaillants, et leur commanda en disant, « Allez, et frappez les habitants de Jabès de Galaad au tranchant de l'épée, tant les femmes que les petits enfants. Voici donc ce que vous ferez. » Vous exterminerez à la façon de l'interdit tout mâle, et toute femme qui aura eu compagnie d'hommes. Et ils trouvèrent entre les habitants de Jabès de Galaad 400 filles vierges, qui n'avaient point eu compagnie d'hommes, et ils les amenèrent au camp à Silo, qui est au pays de Canaan. Alors toute l'assemblée envoya pour parler aux enfants de Benjamin, qui étaient au rocher de Rimmon, et pour leur offrir la paix. En ce temps-là donc les Benjamites retournèrent, et on leur donna pour femmes celles qui avaient été conservées en vie d'entre les femmes de Jabès de Galaad, mais il ne s'en trouva pas assez pour eux. Et le peuple se repentit de ce qui avait été fait à Benjamin, car l'Éternel avait fait une brèche aux tribus d'Israël. Et les anciens de l'assemblée dirent, « Comment ferons-nous pour donner des femmes à ceux qui sont demeurés de reste, car les femmes ont été exterminées d'entre les Benjamites ?» Puis ils dirent, « Ceux qui sont réchappés posséderont, ceux qui appartenaient à Benjamin, afin qu'une tribu d'Israël ne soit point effacée. Cependant nous ne leur pourrons point donner des femmes d'entre nos filles, car les enfants d'Israël ont juré, en disant, « Maudit soit celui qui donnera une femme à ceux de Benjamin. » Et ils dirent, « Voici la solennité ordinaire de l'Éternel est à Silo, qui est vers l'Aquilon de Bethel, et au soleil levant du chemin, qui monte de Bethel à Sichem, et au midi de Lebona. » Et ils commandèrent aux enfants de Benjamin, en disant, « Allez, et mettez des gens en embuscade aux vignes. Et quand vous verrez que les filles de Silo, sortiront pour danser avec des flûtes, alors vous sortirez des vignes, et vous ravirez pour vous chacun sa femme d'entre les filles de Silo, et vous en irez au pays de Benjamin. Et quand leurs pères, ou leurs frères viendront vers nous pour plaider, nous leur dirons, « Ayez pitié d'eux pour l'amour de nous, puisque nous n'avons point pris femme pour chacun d'eux en cette guerre, et vous serez coupables si vous ne leur en donnez point en un temps comme celui-ci. » Les enfants de Benjamin firent ainsi, et enlevèrent des femmes selon leur nombre, d'entre celles qui dansaient, lesquelles ils ravirent, puis s'en allant ils retournèrent à leur héritage, et rebâtirent des villes, et y habitèrent. Ainsi en ce temps-là chacun des enfants d'Israël, s'en alla de là en sa tribu, et dans sa famille, et ils se retirèrent de là chacun dans son héritage. En ces jours-là il n'y avait point de roi en Israël, mais chacun faisait ce qui lui semblait être droit.